180 millions de dollars, une aventure de John Strobbins, par José Moselli. Dans le petit salon aux meubles de bambou ciselé, la lumière se retire lentement et ses lueurs s'accrochaient aux ours du lustre et aux émaux pendus au mur. Assise dans un rocking chair, une jeune fille, immobile et muette, semblait rêver. Jolie, non, belle. Dans la pénombre, sa blonde chevelure mettait une tache d'or. Le visage, d'un ovale un peu allongé, s'éclairait de deux yeux aux lueurs changeantes, tour à tour semblables au bleuet ou à l'opale. Au-dessous du nez d'une pureté de statue grecque, la bouche petite et arquée dont l'incarnat ressortait sur la matité de la figure se crispait d'un sourire mélancolique. Assis à ses pieds, un homme paraissant une trentaine d'années, brun, la physionomie à la fois douce et énergique, barré d'une mince moustache noire, caressait distraitement un banjo. Il fit un mouvement et ses yeux rencontrèrent une pendule d'albâtre fixée au mur. 6 heures. Il regarda la jeune fille et dit lentement « Il faut nous quitter, Charlotte. J'entends la voiture qui vient d'arriver. » À ces mots, la jeune fille tressaillit. Les larmes montèrent à ses yeux qui brillèrent. « Oh, Marc, encore une minute. Il y a si longtemps que je ne vous avais vu. » Marc, d'un mouvement souple, se dressa et vint s'appuyer sur le dossier du rocking chair. « Il est 6 heures, Charlotte. Dans 20 minutes, mon train part. Croyez que ma tendresse égale la vôtre. Je vous crois, Marc. Et quand reviendrez-vous? La vie sans vous me semble vide, je m'ennuie. Je pense à vous et je n'ai même pas la consolation de pouvoir vous suivre par la pensée. Je ne sais rien de vous que votre nom. Vous saurez tout, quelque jour. Que vous importe? Je vous aime, n'est-ce pas l'important? Sitôt arrivé à San Francisco, je vous écrirai comme d'habitude. Ah, 6h10, il me faut partir. » Les yeux emplis de larmes, la jeune fille se leva lentement de son fauteuil et vint tomber dans les bras de son fiancé. Car Miss Charlotte Gladden était fiancée à Mark Brooks. 2 ans auparavant, les deux jeunes gens avaient fait connaissance chez des amis communs. Charlotte Gladden était orpheline et venait à cette époque d'atteindre sa majorité. Elle avait favorablement accueilli les vœux de Mark Brooks, qui se disait ingénieur en Californie, et depuis, les deux jeunes gens se voyaient à intervalles irréguliers dans le petit cottage où habitait Charlotte Gladden, avenue Saint-Charles, à la Nouvelle-Orléans. Tous deux étaient fortement épris l'un de l'autre, et n'attendaient plus pour se marier que la réalisation des mystérieux projets de Mark Brooks. Le jeune ingénieur se disait à la tête de nombreuses affaires qu'il désirait terminer avant de s'établir, lesquelles, Charlotte Gladden n'avait jamais pu le savoir. D'ailleurs, que lui importait? Mark se montrait aimant et délicat. Elle l'aimait trop pour rien exiger de lui. Ce soir-là, elle était plus triste que de coutume. Et ce fut les yeux pleins de larmes qu'elle accompagna son fiancé jusqu'à la grille du jardinet, où une voiture l'attendait. Au revoir, Charlotte. Adieu, Mark. Que Dieu vous garde. Lestement, le jeune ingénieur sauta dans le véhicule qui partit aussitôt à fond de train dans la direction de la gare. Une demi-heure plus tard, l'ingénieur Mark Brooks, installé dans un compartiment qu'il s'était fait réserver, filait à toute vitesse vers Chicago. Il accrocha une glace contre la paroi du compartiment et se livra à une étrange besogne. D'un rasoir tiré de son élégant sac de voyage, il anéantit ses moustaches, puis recouvrit ses cheveux noirs d'une mince perruque blonde. Ceci fait, il se mira complaisamment et murmura « Là, me voilà redevenu Lord Launceston Stamford. Pauvre Charlotte, si elle savait. Mais pourrais-je jamais lui dire? Ça serait la fin de tout. Il faudra bien, pourtant. » Et John Strobbins soupira. Mais il se ressaisit rapidement. Il décrocha la glace, l'enfouit dans son sac et, ayant tout remis en place, s'étendit sur le lit qui occupait tout un des côtés du compartiment. Peu après, il dormait. 2 jours plus tard, John Strobbins était de retour à sa villa de Los Angeles où il comptait se reposer une semaine avant de reprendre sa vie mouvementée. Mais le hasard devait en décider autrement. Le lendemain de son arrivée, John Strobbins, harassé par 2 nuits passées en wagon, dormait encore à 9 heures du matin contre son habitude. À travers les persiennes de la somptueuse chambre à coucher, Les rayons d'or du soleil levant s'infiltrèrent et vinrent caresser le visage du détective cambrioleur. John Strobin s'éveilla. Il se dressa paresseusement et sa main atteignit le bouton d'une poire d'ivoire pendant à la tête du lit. Presque aussitôt, une des portes s'ouvrit et un valet de chambre parut. « Les journaux, Jim ?»« Oui, votre honneur. » L'homme s'inclina, sortit et revint avec un paquet de journaux qu'il déposa respectueusement sur le lit. « C'est bien, laissez ça là. Je sonnerai tout à l'heure. » Resté seul, John Strobin s'installa confortablement les oreillers, de façon à être appuyé, et commença la lecture des quotidiens s'interrompant de temps à autre pour murmurer « Rien d'intéressant. » Tout à coup, il sursauta. « Tonnerre, j'aurais dû me méfier. Je perds au moins 100 000 $. » Voilà 2 mois que Brown était malade, et il froissa rageusement le journal. Il venait de lire cet entrefilet. On nous annonce en dernière heure la mort à Atlanta de M. Graham Brown, le célèbre fondateur de la Steel Corporation de Pittsburgh. M. Graham Brown laisse plus de 180 millions de dollars. On ne sait à qui, car il est sans parents proches et aucun testament n'a été trouvé. La mort de M. Graham Brown a fortement influé sur le marché des valeurs métallurgiques, qui ont baissé de plusieurs dollars. M. Graham Brown souffrait depuis longtemps du foie, mais rien ne faisait prévoir une fin aussi rapide. Il était âgé de 64 ans. John Strobin, d'un bond, fut hors du lit. Sans même sonner son valet de chambre, il s'habilla et eut rapidement endossé ses vêtements. Il ouvrit alors la porte de la chambre et cria « Mon auto, vite !»« Oui, votre honneur !» John Strobin, son pardessus sur le bras, dégringola plutôt qu'il ne descendit les quelques marches du perron et s'engouffra dans son auto en disant « Chez M. Blackwell, agent de change. » L'auto démarra en 4e vitesse et déposa presque aussitôt Lord Launceston Stramford devant la porte de l'officier ministériel. « Monsieur Blackwell, » s'écria le noble lord dès qu'il fut en présence de l'agent de change, « je viens vous consulter sur les titres de la Steel Corporation que j'ai chez vous. La mort de Graham Brown les a fortement fait baisser. Dois-je les vendre? On ne connaît pas les héritiers. » Et si c'est quelque imbécile qui le remplace à la tête de la Steel Corporation, nos intérêts seront fort compromis. » L'agent de change eut un mince sourire et hocha la tête. « Votre honneur n'a pas tort de s'alarmer. Je viens de recevoir une communication de mon correspondant de New York. Je vais vous en communiquer le contenu à titre confidentiel. » Graham Brown est mort depuis 2 jours. Dans un but de spéculation, son décès est resté secret pendant 48 heures. Quant au testament, y en a-t-il un? On ne sait pas. En tout cas, voici la liste des noms des plus proches parents du défunt et par conséquent ses héritiers naturels, tels que me l'a communiqué tout à l'heure mon ami Marnus, avocat généalogiste. William Hobbs, 61 ans, attorney général à Washington. Samuel Strong, 46 ans, directeur du Wall Herald à New York. Arnold Lenrick, 40 ans, directeur de l'American Meat à Chicago. Winifred Strickley, 81 ans, rentière à San Francisco, et Charlotte Gladden, 23 ans, artiste peintre à la Nouvelle-Orléans. Leurs droits, paraît-il, ne sont pas égaux. Mais quel est celui de ces personnages qui héritera, je ne saurais vous dire. En tout cas, il me paraît sage de vendre. Aucun des héritiers éventuels ne se trouvant capable de remplacer Brown à la tête de la Steel Corporation. Ah! « Je vous remercie, Monsieur Blackwell. »« Votre honneur veut vendre ses titres de la Steel Corporation ?»« Non, je les garde. »« Encore merci, Monsieur Blackwell, et au revoir. » Tout songeur, John Strobin prit congé de l'agent de change. « Pauvre Charlotte, » pensa-t-il. « Il va lui falloir maintenant être sur ses gardes. Que de compétition autour d'elle à l'avenir. » »« Ce procureur William Hobbs est un ambitieux, je le connais. »« Il m'a fait condamner en cour d'assises il y a 3 ans. » Qu'il se garde de rien tenter contre Charlotte Gladden au gare. À midi, Strobin s'était de retour à sa villa. Mais contrairement à ce qu'il avait décidé, il résolut d'abréger son séjour et le soir même, comme poussé par quelques pressentiments, partait pour San Francisco. Il y arriva le lendemain matin au jour. Personne ne l'attendait. En sortant de la gare, il entendit une foule de camelots hurler. « Demandez le San Francisco Herald ! Crime affreux à la New Orleans, une femme assassin !» John Strobin acheta un journal. Pendant un instant, il se crut fou. Les lignes suivantes dansèrent devant ses yeux. Un abominable assassinat était commis cette nuit à la Nouvelle-Orléans. Vers 11 heures du soir, des cris partant du cottage de Miss Charlotte Gladden attirèrent l'attention du détective Waterbury qui faisait sa ronde. Il accourut, força la porte et arriva dans la salle à manger du cottage. Un affreux spectacle s'offrit à ses yeux. Sur le plancher, une jeune fille, Miss Minileg, gisait, un coupe-papier en bronze planté entre les deux épaules. Près d'elle, Miss Charlotte Gladden, affalée dans un fauteuil, la regardait stupidement. Grâce à une lettre trouvée dans la poche de la victime, le drame avait été facile à reconstituer. Miss Minileg, qui avait touché une forte somme le jour même, était attirée par Charlotte Gladden qui l'a assassinée pour s'emparer de son argent. Sans l'arrivée inopinée de l'agent Waterbury, elle aurait réussi. Charlotte Gladden, qui nie énergiquement, a été écrouée. Sa victime est morte, sans pouvoir dire un mot, pendant qu'on l'a transportée à l'hôpital. Miss Charlotte Gladden avait perdu ses parents, emportés tous deux en quelques heures par la terrible fièvre jaune 2 mois avant sa majorité. Elle ne connaissait pas de famille et vivait seule, dans le cottage de l'avenue Saint-Charles, de maigre rente laissée par son père, auquel elle ajoutait le produit de la vente d'aquarelles. Miss Gladden, douée d'un réel talent, était appréciée à la Nouvelle-Orléans. Mais de caractère rêveur et indolent, elle travaillait peu, ses besoins étant minimes. Depuis qu'au cours d'une soirée, elle avait fait connaissance de John Strobbins, qui se cachait sous le nom de Mark Brooks, elle n'aspirait plus qu'à une chose, se marier avec le jeune ingénieur, sa seule affection sur la terre. Elle fut bien étonnée lorsque le surlendemain du départ de son fiancé, on sonna à la porte de sa villa. Il pouvait être 10 heures du matin et la bonne était partie faire les commissions. Malgré qu'elle fût encore en toilette du matin, Miss Gladden alla ouvrir et aperçut devant la grille un homme vêtu d'une redingote noire, petit et maigre, grisonnant et myope. Il s'inclina respectueusement et demanda « Miss Charlotte Gladden, n'est-ce pas ?»« C'est moi, oui, monsieur. Miss, je vous présente mes respectueux saluts. Je suis chargé d'une communication extrêmement importante pour vous. Je vous prierai donc de m'accorder quelques instants. Entrez, monsieur. » Et la jeune fille, intriguée, ouvrit la grille et conduisit le mystérieux visiteur dans un petit salon situé au rez-de-chaussée de la villa. « Sommes-nous bien seuls, miss ? Ce que j'ai à vous dire est tellement grave. Nous sommes seuls dans la maison, monsieur. Vous pouvez parler. » « Je vous remercie, miss. Je suis M. Thomas Luke, solicitor. Voici ma carte. » Et se disant, l'homme tira de la poche intérieure de sa redingote un portefeuille gonflé, y prit une carte de visite et l'attendit à Miss Gladden. « Vous êtes bien, n'est-ce pas, miss, la fille unique de Maurice Gladden et Christiana Wolfers ?»« Oui, monsieur, mais pourquoi ?»« Je vais vous le dire, miss. Madame Christiana Wolfers, votre mère, est petite-fille de Jacob Wolfers, lequel est le père de Ginny Wolfers, qui se maria avec Alexander Brown, père de M. Graham Brown, qui vient de mourir. Autrement dit, votre mère était la cousine germaine de M. Graham Brown. Ah, j'ignorais, monsieur. Ma mère ne m'a jamais parlé de sa famille avec laquelle elle était brouillée, je crois. D'ailleurs, je ne connais pas ce M. Graham Brown. Pas possible. Sachez qu'il laisse une assez grosse fortune, quoique pas si grande qu'on le dit, car ses affaires sont assez embrouillées. M. Graham Brown est mort sans laisser de testament. Vous héritez donc de concert avec plusieurs autres parents éloignés. Eh bien, et alors, comme cette succession donnera certainement lieu à des procès longs et coûteux, et que je connais l'éloignement des artistes pour ces choses, je suis venu vous proposer de me donner plein pouvoir, c'est-à-dire de me substituer à vous. Je suis solliciteur depuis 30 ans, c'est-à-dire que je connais mon métier. Je ne vous comprends pas bien, monsieur. Que me proposez-vous ? Thomas Liu se recueillit et, après un court instant de silence, s'écria. « Oh, rien que de très honorable, miss. Voilà. Si vous le voulez bien, vous m'abandonnerez vos droits éventuels, car il n'est pas tout à fait certain que vous héritiez sur la succession et en échange, je vous verserai 100 000 $. Mais, monsieur, si je n'ai pas de droit à l'héritage, vous y perdez une fortune. Je ne puis consentir à un tel marché, s'écria Miss Gladden. « Oh, miss, vous avez sûrement des droits, mais ils seront difficiles à établir. C'est pourquoi je suis venu vous proposer de me substituer à vous. La différence entre ce qui vous reviendra et ce que je vous verserai me rémunéra de mes peines. À votre aise, monsieur, et que dois-je faire alors ? Simplement signer une renonciation que je vous apporterai en même temps qu'un chèque de 100 000 $. J'accepte. C'est plus qu'il ne m'en faut. Quand reviendrez-vous ? Demain matin, à la même heure que maintenant. C'est donc entendu, miss. Et Thomas Luke, souriant, se leva, salua profondément la jeune fille et prit congé. Pendant toute la journée, Charlotte Gladden ne cessa de penser à la fortune qui lui survenait. Elle acheta tous les journaux qu'elle put trouver et apprit ainsi que Graham Brown laissait une fortune colossale. Elle comprit alors pourquoi le solliciteur était venu. Elle devait avoir des droits bien certains pour que l'homme d'affaires lui ait de suite offert 100 000 $. 180 millions de dollars, tel était le chiffre auquel était évaluée la fortune de Graham Brown. En admettant qu'elle dût partager, il lui resterait toujours une immense fortune. Ainsi, elle pourrait aider son fiancé à mettre ordre à ses affaires, et leur union se réaliserait rapidement. Elle résolut donc de ne rien signer avant d'être mieux informée sur ses droits, et dans ce but, passa la soirée à écrire une longue lettre à Mark Brooks pour lui demander conseil. Le lendemain matin, Charlotte était seule dans la villa lorsque Thomas Luke se présenta. Sitôt entré dans le salon, le solliciteur s'assit. « J'apporte le petit chèque, miss, ainsi que le papier, » dit-il avec un sourire. « Vous voudrez bien m'excuser, monsieur, de vous avoir fait revenir pour rien. J'ai réfléchi. Avant de ne rien signer, je veux me rendre compte de mes droits. C'est naturel. Oh, »« Oui, mais je vous les ai expliqués hier. Droits incertains, procès longs et coûteux avant de rien toucher. » Vous pouvez me croire, votre intérêt est de signer. Je vous crois, monsieur, mais n'insistez pas, ma décision est irrévocable. Un quart d'heure durant, Thomas Luke essaya vainement de convaincre la jeune fille. Successivement, il lui offrit 150, 200, 500 000 $. Il ne réussit qu'à accroître la méfiance de Miss Gladden et dut se retirer sans avoir atteint son but. Le soir même, Charlotte Gladden, chez qui on avait trouvé assassiné son ami Minileg, était arrêtée. Elle avait eu le temps de mettre à la poste sa lettre pour Mark Brooks. John Strobbins, après être resté un moment anéanti par le récit du San Francisco Herald, s'était rapidement ressaisi. Il connaissait assez Charlotte Gladden pour la savoir incapable d'une action vile et à plus forte raison d'un crime. La corrélation entre la mort de Graham Brown et l'arrestation de Charlotte lui apparut certaine. Si Charlotte était condamnée à mort ou seulement en bagne, elle devenait incapable d'hériter. Là, certes, était la clé de l'énigmatique assassinat. Tout en réfléchissant ainsi, John Strobin se dirigea vers un café où il entra. Il se fit servir une tasse de chocolat et en attendant examina les journaux. Tous parlaient de la mort de Graham Brown, mais sans mentionner le nom des héritiers. John Strobin, doué d'une mémoire prodigieuse, se souvenait parfaitement des noms des 5 héritiers que lui avait communiqués M. Blackwell. « Commençons par le commencement, » se dit-il. « Allons nous renseigner auprès de Mrs. Strickland. Elle habite Frisco, ce sera vite fait. » Satisfait, Strobin avala son chocolat, paya et sortit. « Mrs. Strickland, » avait dit Blackwell, « a 81 ans, et hier entière. » Muni de ses renseignements, Strobin ne fut pas long à connaître le domicile de la vieille femme et s'y rendit incontinent. Mrs. Strickland habitait le rez-de-chaussée d'un cottage situé à l'est de la ville, près de la mer. John Strobin sonna. Une vieille dame va lui ouvrir. C'était la locataire du premier étage. Mrs. Strickland, c'est ici, monsieur, que lui voulez-vous? C'est pour une affaire personnelle et excessivement importante. Je vais la prévenir. Je ne l'ai pas vue depuis avant-hier et même je commence à m'inquiéter. Voulez-vous attendre un instant? Et sur ce, la vieille femme, laissant John Strobbins, alla frapper à la porte de l'appartement de Mrs. Strickland. Elle revint 2 minutes après. On ne lui avait pas répondu. Ce silence intrigua Strobbins. Il demanda. « Êtes-vous sûr que Mrs. Strickland n'est pas sortie? Oh, sûr, absolument sûr. Mrs. Strickland peut à peine se traîner. Je l'aurais vu, je ne sais que penser. » « Écoutez, ma bonne dame, autant vous dire tout, je suis détective. J'ai une mission à remplir auprès de votre voisine. Je vais donc pénétrer chez elle. »« Ah, mais c'est que la porte est fermée. Ne vous embarrassez pas de cela. » Suivi de la vieille femme, intriguée, John Strobbins arriva devant la porte de Mrs. Strickland. Au moyen d'un rossignol qui ne le quittait pas, le détective cambrioleur eut au fait de l'ouvrir et visita rapidement et minutieusement l'appartement jusque dans ses moindres recoins. Il était vide. « Voilà qui devient comique !» s'écria John Strobbins. Arnold Limerick, propriétaire de la célèbre fabrique de conserves de viande l'American Meat de Chicago, était cousin au troisième degré de Graham Brown. Il était en même temps cousin germain de l'honorable William Hobbs, attorney général à Washington, et de Samuel Strong, le directeur du puissant journal le World Herald de New York, qui se trouvait avoir exactement les mêmes droits que lui à l'héritage du défunt. Le lendemain des somptueuses obsèques du milliardaire, Arnold Limerick arriva, comme de coutume, dans son bureau. Sur sa table, une énorme liasse de lettres et de journaux l'attendait. Après une recherche de quelques secondes, il saisit le World Herald et en commença la lecture. Il arriva bientôt à un filet ainsi conçu. Parmi les héritiers de Graham Brown, qui sont nombreux, figurait une vieille dame, Mrs. Strickley, habitant Richmond Street à San Francisco. Depuis 2 jours, elle a disparu. De méchantes langues prétendent que ses cohéritiers, ou du moins l'un d'eux que nous connaissons, auraient trouvé bon de la supprimer. Nous tiendrons nos lecteurs au courant. Limerick lâcha le journal et déchargea un formidable coup de poing sur la table. Crapule ! Comme tout le monde sait que Strong est le propriétaire du World Herald, et par conséquent qu'il ne parle pas de lui, il ne reste que moi, Holmes a accusé. Ah, Strong, tu as le nez fin, mais tu peux chercher longtemps si tu veux. La vieille Strickley est hors de tes atteintes. Brutalement, la porte s'ouvrit. Limerick, furieux d'être dérangé, se tourna et voulut parler. Mais deux solides gaillards ne lui en laissèrent pas le temps. Au nom de la loi, Arnold Limerick, nous vous mettons en état d'arrestation sous l'inculpation de meurtre. Quoi ? Vous vous expliquerez chez le juge. Suivez-nous si vous ne voulez pas que nous vous mettions les menottes. Voici le mandat d'arrêt. » Anéanti, Limerick lut machinalement le document que lui tendait un des détectives. Il était en règle et ordonnait l'arrestation d'Arnold Limerick, inculpé d'avoir supprimé Mrs. Strickley dans le but de s'approprier sa part d'héritage. « Je vous suis, messieurs, » déclara le fabricant de conserves, blême de rage et d'humiliation. Le lendemain matin parut une note dans le World Herald vantant la sûreté d'information du journal et s'applaudissant de l'arrestation du criminel. Mais le même jour, le Morning Daily News, concurrent du World Herald, publiait l'article suivant « Les requins, monstrueux abus de pouvoir ». Graham Brown est à peine enterré qu'autour de son cercueil la lutte pour l'héritage commence. Bien qu'on ait observé jusqu'ici un silence bizarre sur le nom des héritiers, nous allons les dévoiler au public. Les voici. Miss Charlotte Gladden, artiste peintre à la Nouvelle-Orléans, actuellement en prison sous l'inculpation d'assassinat. Mrs. Strickley de San Francisco, rentière, disparue dans des circonstances inexpliquées. Monsieur Arnold Limerick, directeur de l'American Meat, écroué et accusé d'avoir provoqué la disparition de Mrs. Strickley. Monsieur Samuel Strong, directeur du World Herald, qui le premier a accusé M. Limerick, et enfin M. William Hobbs, attorney général à Washington. On remarquera que ces 5 noms sont en quelque sorte placés les uns au-dessus des autres dans l'ordre social. Le moins puissant de ces personnages, Miss Gladden, est accusé d'un crime inexplicable. Miss Strickley a disparu, M. Limerick est en prison. Il ne reste plus que M. Strong et Hobbs, les deux plus puissants. Sont-ils d'accord ? Nous n'en savons rien. En tout cas, il apparaît, entre autres choses étranges sur lesquelles nous reviendrons, qu'aucune preuve n'existe contre M. Limerick, dont l'arrestation est un odieux abus de pouvoir. Notre ami M. Robert Fairfield, le nouveau représentant de l'État de l'Oregon, a l'intention de demander au Parlement la cessation de pareils abus. Cet article produisit une sensation énorme dans le public. William Hobbs, dans un communiqué aux journaux, affirma n'être pour rien dans l'arrestation d'Arnold Limerick, effectuée légalement par le Chief Coroner de Chicago, et annonça qu'il poursuivait le Morning Daily News devant les tribunaux pour calomnie. 2 jours plus tard, Arnold Limerick était mis en liberté, l'accusation n'ayant pu réunir aucune preuve décisive contre lui. Cependant, William Hobbs car c'était à son instigation que Limerick avait été inculpé, ne se tenait pas pour battu. Il avait résolu de s'approprier l'héritage de Graham Brown et comptait bien arriver à ses fins. Il pensait bien rattraper Limerick autrement et avait mis en campagne les meilleurs limiers de l'Union afin de retrouver Mrs. Strickley, qui, vieille et reconnaissante, et de plus sans enfant, lui laisserait certainement sa part. Quant à Strong, il s'occupait de lui. Strong, qui attaquait tout le monde dans son journal, avait de nombreux ennemis. Rien ne serait plus facile que d'en trouver un, et alors ? La tournée générale la collait dans son fauteuil, réfléchissait ainsi tout en regardant par la fenêtre entr'ouverte de son sévère et somptueux cabinet. La foule circulait devant le palais de justice de Washington lorsqu'on frappa à sa porte. Un huissier entra et lui tendit une fiche sur laquelle s'inscrivaient ces mots : Joe Benedict, boxeur, cousin de M. Graham Brown. « Faites entrer !» ordonna William Hobbs. L'huissier s'inclina et introduisit un homme paraissant âgé de 35 ans, la figure entièrement rasée, qui s'avança vers la tournée générale et un sourire aimable aux lèvres s'écria « Mon cher cousin !» William Hobbs, grave et froid, resta un instant médusé par une semblable familiarité. « Monsieur Bénédicte, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. »« Oh, ça ne fait rien. Je suis le petit-fils du beau-frère de M. Graham Brown. » « Alors vous n'êtes rien, hein, Monsieur Graham Brown, sortez !»« Mais mon... sortez !» répéta Hobbs, furieux, en se levant de son fauteuil. Joe Benedict eut un sourire, marcha vers la porte et l'ouvrit lentement en disant « Ah, il est dur d'être renié par sa famille !» Longtemps après que le boxeur eut disparu, William Hobbs se demanda quel pouvait être ce mauvais plaisant et se reprocha de ne pas l'avoir fait arrêter. Il eut le lendemain matin l'explication de cette bizarre visite en arrivant dans son cabinet de travail. Armoire, tiroir, coffre-fort, tout était ouvert. Et sur le tapis rouge, dossier et chemise gisaient pêle-mêle. Rien n'avait échappé aux investigations des indiscrets visiteurs. William Hobbs, stupide devant un pareil spectacle, aperçut sur sa table une carte de visite, celle de Joe Benedict. Elle portait ces simples mots. « L'héritage du vieux Brown n'est pas encore à vous. » Ainsi, le pseudo-boxeur avait été envoyé par un de ses ennemis. Lequel ? Oui, lequel ? Strong ou Limerick ? La rage au cœur, la tournée générale résolut de ne pas porter plainte afin de voir jusqu'où irait l'audace de ses compétiteurs. Patiemment, il ramassa les papiers épars et remit tout en ordre. D'ailleurs, les serrures avaient été ouvertes avec de fausses clés. Aucune n'était fracturée. Lorsqu'il eut terminé, Hobbs sonna l'huissier et adroitement l'interrogea. L'homme ne put lui fournir aucun renseignement. Rien d'anormal n'avait été vu au palais de justice. « Ah, ils sont forts !» pensa Hobbs en congédiant l'huissier. « Mais je vaincrai. À moi seul l'héritage du vieux Brown, j'en jure Dieu !» William Hobbs n'était pas au bout de ses peines. Arnold Limerick, dès sa sortie de prison, avait regagné son usine, anxieux de réparer le tort causé à ses affaires par son incarcération. Un volumineux courrier l'attendait, et parmi les innombrables lettres, s'en trouva une, écrite à la machine, ainsi conçue. « William Hobbs, votre cousin, est le protecteur de M. Worling, la tournée de Chicago. C'est à son instigation que vous avez été arrêté. D'ailleurs, M. Strickley n'est plus en votre pouvoir, mais au sien. Il compte bien se servir de cet atout pour vous envoyer au bagne. Un ami. » Décrire la fureur de Limerick à cette lecture est chose impossible. Tremblant, la bouche sèche, les yeux hors de la tête, le directeur de l'American Meat resta plusieurs minutes muet, les mains crispées au bras de son fauteuil. « Infâme Hobbs, tu ne me connais pas. C'est toi qui as écrit cette lettre à se venger. » Il fallut à Limerick plus d'une demi-heure pour se calmer. Il y parvint pourtant et appela son fondé de pouvoir. « Je pars en voyage. » lui dit-il, sans même penser à ouvrir le reste des lettres accumulées sur son bureau. « Faites pour le mieux !» Posément, Limerick mit dans sa poche la lettre anonyme et, ayant donné ses derniers ordres, se fit conduire à la gare. Deux jours plus tard, Arnold Limerick arrivait à Washington. Il se dirigea aussitôt vers le palais de justice et passa à l'huissier de la tournée générale une carte de visite portant le nom d'un de ses amis. William Hobbs, à qui cette carte ne rappelait rien, donna ordre d'introduire le visiteur. Lucie ouvrit la porte. Arnold Lemrick parut devant William Hobbs. D'un coup de pied, le directeur de l'American Meat repoussa la porte feutrée, et avant que l'attorney général stupéfait ait pu sonner, il éleva sa main droite armée d'un revolver et coup sur coup fit feu. Quand, après quelques secondes, la fumée produite par les coups de feu se fut dissipée, Arnold Lemrick, béant, aperçut l'attorney général debout à deux pas de lui, la main posée sur le bouton d'une sonnette électrique. William Hobbs s'était simplement mis de côté lorsque Lemrick avait fait feu, il était indemne. Maintenant, le revolver du directeur de l'American Meat était vide, ses 5 balles enfouies dans les boiseries. « Pas un geste, Lemrick, ou j'appelle ?» ordonna William Hobbs en fixant son ennemi. « Asseyez-vous sur ce fauteuil et écoutez-moi. Les portes sont épaisses ici, on n'a certainement rien entendu. J'oublie votre agression, elle est trop naïve. Si c'est ainsi que vous comptez vous approprier l'héritage de Graham Brown ?»« Ah, vous savez bien, oui. Vous savez bien que je ne suis pas venu ici pour pareille chose. Comment ? Vous me faites emprisonner et non content de cela ? Vous m'écrivez une lettre anonyme insultante et narquoise ? Êtes-vous fou, Lemrick ? S'écria William Hobbs sans lâcher le bouton de la sonnette. Non, tenez ! Et Lemrick tira de sa poche un papier qu'il tendit à l'attorney général. Reconnaissez-vous votre œuvre ? William Hobbs étendit la main et sans cesser de tenir son regard fixé sur Lemrick, jeta les yeux sur la mystérieuse lettre. Sur mon honneur, Lemrick, je suis complètement étranger à ceci. Ainsi, vous avez donc bien enlevé Mrs. Strickley ? Ce n'est pas votre affaire. Ah ? Et c'est vous ? Avouez-le ! Qui m'avait fait cambrioler par une espèce de boxeur. Quoi ? Moi ? L'étonnement qui se peignit sur les traits de Lemrick fut si sincère et si spontané que William Hobbs, qui s'y connaissait, en resta stupéfait. Ainsi, ce n'est pas vous qui m'avez fait cambrioler ? Non. Alors c'est Samuel Strong, ah, le misérable. Je comprends tout. C'est lui, oui, c'est lui qui le premier a lancé contre moi l'accusation d'avoir supprimé Mrs. Strickley. Non, sans raison, murmura Hobbs. C'est lui qui a dû vous faire cambrioler ensuite, m'envoyer la lettre anonyme afin de m'inciter à me venger de vous. Il connaît mon caractère. Ah, tenez, Hobbs, je vous fais toutes mes excuses. Nous avons été joués aussi bien l'un que l'autre par ce misérable. Et je ne serais pas étonné qu'il soit pour quelque chose dans les crimes dont Charlotte Gladden est accusée. Je ne crois pas, déclara Hobbs. Charlotte Gladden est une ville criminelle d'après les renseignements parvenus ici. Elle ira au bagne, cela ne fait aucun doute. Pauvre fille. Elle passe en cour d'assises dans 3 jours. N'en parlons plus. Arnold Lemrick ne tenait pas du tout à en parler et, pour le montrer, inclina la tête en signe d'assentiment. « Et Mrs. Strickley, qu'en avez-vous fait ?» continua la Tornay. « Vous me permettrez d'être discret. J'avais donné des ordres pour qu'il n'en soit plus parlé. L'affaire a bien marché, mais depuis mon arrestation, je n'ai plus de nouvelles de mon correspondant. Et j'incline à croire que l'auteur de la lettre a dit vrai, et que la vieille femme est en son pouvoir. Il faut donc museler Strong. Oui, et je m'en charge, moi, Arnold Lemrick. Il y a 3 ans, vous le savez, Strong a publié dans son journal et dans le seul but de me nuire une série d'articles sur la façon dont étaient fabriquées mes conserves. Il m'a à demi ruiné, le bandit, mais rira bien qui rira le dernier. Je vous approuve, Lemrick. Quand je pense que cet homme n'a pas hésité, vous vous doutez dans quel but ? À me faire cambrioler. Je suis complètement avec vous. Vous pouvez aller de l'avant. Je vous couvre. Vous savez mon influence. Marchez. N'ayez crainte. Je vous vengerai avec moi. Quand je pense que j'aurai pu vous tuer bêtement à son profit. C'était le bagne. Strong l'avait prévu. Patience. Laissez-moi faire. Vous entendrez parler de moi. Pas d'imprudence surtout. Je ne suis pas un imbécile. Ainsi, c'est entendu. Traité d'alliance entre nous. Que diable. L'héritage de Brown est assez considérable pour nous deux. Je le crois. Les deux hommes se serrèrent la main, et Arnold Lemrick prit congé. Sitôt qu'il fut parti, William Hobbs se frotta les mains et sourit silencieusement. « Il va sûrement l'assassiner. Il ira ensuite au bagne et je resterai seul. » « Imbécile, ça se mêle de tirer des coups de revolver. » En sortant de chez l'attorney général, Arnold Limerick ne rêvait que vengeance, et cette vengeance lui était d'autant plus agréable qu'elle lui assurait en même temps une part plus grosse de l'héritage de Graham Brown. Strongmore, Charlotte Gladden au bagne, Mrs. Strickley morte, car certes, la vieille demoiselle ne vivrait pas longtemps en admettant qu'elle vécût encore. Il resterait deux à se partager les 180 millions de dollars. 90 millions pour chacun, autant dire 100. Ah, ce qu'il liquiderait de suite sa fabrique. L'esprit égayé par ses pensées, Arnold Limerick se dirigea vers la gare, prit un billet et monta dans le premier train allant à New York. Samuel Strong, le puissant directeur du World Herald, habitait à New York une somptueuse maison dans la 5e avenue. Il finissait de déjeuner avec son secrétaire lorsqu'un valet lui fit passer la carte d'Arnold Limerick. « Que peut-il bien me vouloir ? Faites entrer dans mon cabinet de travail, » ordonna-t-il au domestique. Et se levant, il alla à la rencontre de son cousin. Samuel Strong, dont les accusations, il le pensait, avait conduit Limerick en prison, croyait trouver devant lui un homme en fureur. Il fut bien étonné lorsque Arnold, la physionomie souriante, lui tendit aimablement la main en disant « Je suis heureux de vous rencontrer, mon cher Samuel. J'ai à vous parler sérieusement. »« Ah, je vous écoute, » répondit Strong, réservé, tout en serrant la main de son interlocuteur. « Eh bien, voici l'affaire. Je serai bref. Avant tout, permettez-moi de vous dire que j'ai tout oublié de nos petites inimitiés. Je viens vous proposer un traité d'alliance. » Comme moi, vous avez été trompé par notre ennemi commun, William Hopes. Comment ? Oui, William Hopes. Vous m'avez accusé d'avoir enlevé Mrs. Strickley. Mon Dieu, votre supposition était vraisemblable. Eh bien, c'est William Hopes qui est le coupable. Aussi n'a-t-il pas perdu de temps pour me faire arrêter. Cela faisait deux compétiteurs de moins s'il parvenait à me faire condamner. Mais je me suis renseigné. J'ai les preuves, m'entendez-vous ? J'ai les preuves de l'ignominie de Hopes. « Et où sont-elles ? » demanda Strong, intéressé. « Pas sur moi, bien sûr. » De plus, deux hommes à ma solde ont réussi à s'emparer du personnage qui a coopéré à l'enlèvement de Mrs. Strickley. Il est emprisonné dans une des caves de ma fabrique à Chicago. « Mais où est Mrs. Strickley ? » ?»« Je ne sais. Je sors de prison et suis venu de suite vous voir dès que j'étais averti de la canaillerie de Hopes. » Bref, que voulez-vous de moi ? » questionna Strong en regardant son interlocuteur bien en face. « Vous vous en doutez. Je vous demande de vous allier avec moi contre Hopes. Nous partagerons ainsi l'héritage. » « Et Mrs. Strickley ? La vieille ? Je vous comprends. » « J'accepte. Mais je veux voir moi-même l'homme complice de Hopes. J'aime à me rendre compte personnellement. À Chicago, vous me montrerez vos preuves. Si vous le voulez, nous partirons cet après-midi. » « À cette seule condition, je suis votre homme. »« Entendu, » dit Arnold Limerick en réprimant un tressaillement de joie. À 3 heures de l'après-midi, les deux cousins partaient pour Chicago, où ils arrivèrent à 2 heures du matin, 2 jours et demi plus tard. À travers les rues désertes, ils se dirigèrent vers la fabrique de Limerick qui était voisine de la gare, Samuel Strong ayant accepté l'hospitalité que lui offrait le fabricant de conserves. Afin de faciliter l'incessante surveillance du patron, la maison d'Arnold Limerick était bâtie au centre d'une cour située au milieu de la fabrique. Sous prétexte de prendre plus court, Limerick, au lieu de passer par la grande porte, pénétra avec son cousin dans une sorte de poterne couvrant sur un long couloir qu'éclairait faiblement de petites lampes électriques scellées de loin en loin dans le mur. « Quel diable de chemin nous faites-nous prendre là ? » s'écria Strong. « Oh, ne vous effrayez pas, nous serons ainsi de suite arrivés. » À l'extrémité du couloir s'ouvrait une porte sans serrure. Limerick la poussa et s'effaça pour laisser passer Strong. Celui-ci l'eut à peine franchi qu'il s'écria « Pouah, ce que ça !» La moitié de sa phrase lui resta dans le gosier. D'un formidable coup d'épaule, Arnold Limerick venait de le pousser dans une profonde cuve de Saint-Doux s'ouvrant au ras du sol et que le malheureux n'avait pas eu le temps d'apercevoir. « Au secours !» hurla Strong, englué dans le sein d'eau tiède. « Crève donc, porc !» Et Arnold Limerick alla vers le mur et tourna un commutateur de bois. Un gargouillement s'entendit. le fabricant de conserves venait de mettre en marche la barboteuse électrique qui sert à malaxer le saindoux dans la cuve. Ah ! C'était Samuel Strong qui, saisi par les griffes d'acier de la barboteuse, exhalait son suprême cri de douleur. « Si les détectives te trouvent, ils seront bien fins, » s'exclama Limerick en ricanant. « Ah, tu as dit du mal de mon saindoux, cher Strong. Tu vas m'en fournir 200 livres. » Comme l'assassin achevait ses mots, des pas se firent entendre dans le couloir. Arnold Limerick tressaillit violemment et se retourna. La porte venait de s'ouvrir et deux hommes, en lesquels il reconnut des ouvriers récemment embauchés, apparurent. L'un d'eux portait une lanterne, l'autre braquait un revolver sur le directeur de l'American Meat. « Un geste et je tire » affirma-t-il, tandis que son compagnon tournait le commutateur de la barboteuse électrique et arrêtait l'horrible machine. « Mais que voulez-vous ? » gronda Limerick. « Que faites-vous ici ? » ?»« Tu t'en doutes, fripouille. » « Le cadavre de Samuel Strong n'est pas encore méconnaissable. Nous te suivons depuis ton arrivée. Allons, marche devant ou gare. » Tout était découvert. En place de la fortune rêvée, Limerick entrevit la chaise électrique. Jouant le tout pour le tout, il sauta à la gorge de son interlocuteur avant que celui-ci, surpris, ait pu faire usage de son arme. Une lutte terrible s'engagea entre les deux hommes, Limerick cherchant à étrangler son adversaire, mais elle fut courte. L'ouvrier qui tenait la lanterne vint au secours de son compagnon et de ses deux mains enserra le cou de l'assassin. Celui-ci, râlant, lâcha prise et fut aussitôt solidement ligoté. Un des deux hommes resta près de lui et l'autre alla avertir le concierge de la fabrique du drame qui venait de se dérouler. Le Cerbère, stupéfait et épouvanté, s'habilla en hâte, courut au poste de police le plus proche et revint bientôt flanqué de deux policemen. Ceux-ci aidèrent les deux ouvriers à transporter le prisonnier dans la loge du concierge où il fut laissé sous la surveillance de ce dernier. Ceci fait, policemen et ouvriers, munis d'une échelle et d'un croc, allèrent à la cuve de saindoux dans laquelle avait été précipité le directeur du World News. Après 2 heures d'efforts, ils parvinrent à retirer le cadavre mutilé et sanglant de Samuel Strong, presque méconnaissable. Entre-temps, le jour était venu. Un des policemen téléphona au poste de police le plus voisin, et un quart d'heure plus tard, le misérable Arnold Limerick montait dans la voiture cellulaire qui devait le conduire à la prison. Dans la matinée, la nouvelle de l'assassinat de Samuel Strong par Arnold Limerick fut connue dans tous les États-Unis. Elle y produisit une impression énorme, d'autant plus que le même jour commençait à la Nouvelle-Orléans le procès de Miss Charlotte Gladden, accusée d'assassinat. Ainsi, le fantastique héritage de Graham Brown semblait porter malheur à ses bénéficiaires. Jusqu'ici, un seul restait indemne, l'attorney général William Hopes. Strong mort, Mrs. Strickley disparue, Limerick et Miss Gladden inculpés d'assassinat, William Hopes restait seul à hériter des 180 millions de dollars. La malheureuse Charlotte Gladden, malgré qu'elle se défendit avec énergie, semblait perdue. Tout concourait à prouver sa culpabilité. Elle avait, le soir du crime, envoyé à Miss Minnie Legg un billet qu'on avait retrouvé, la priant de venir passer la soirée. Or, Miss Minnie Legg avait, le jour même, touché une forte somme à la banque où ses fonds étaient déposés et cet argent avait été retrouvé dans le secrétaire de Charlotte. De plus, l'arme ayant servi à assassiner Miss Legg n'était autre que le coupe-papier en bronze appartenant à Miss Gladden. Et cette dernière avait été trouvée plongée dans une sorte de torpeur stupide auprès de sa victime. Torpeur, disait le juge, habituelle aux criminels novices. À tout cela, Charlotte répondait qu'elle avait bien invité Miss Legg à venir, qu'elle était restée avec elle jusqu'à 11 heures, heure à laquelle elle s'était endormie sans s'en apercevoir pour se réveiller auprès du cadavre encore chaud de son amie. Et comme le juge prétendait que Charlotte avait assassiné sa victime pour la dépouiller, ainsi qu'en témoignait l'argent trouvé dans le secrétaire, la jeune fille répondit victorieusement en invoquant l'héritage de Graham Brown qui la dispensait de chercher de l'argent. « Mais vous ignoriez encore, comme tout le monde, que Graham Brown n'avait pas fait de testament. Pardon, la veille, M. Luke Thomas, sollicitor, était venu me trouver pour me proposer d'abandonner mes droits sur l'héritage, moyennant 100 000 $, en prétextant les longs procès qu'il me faudrait soutenir pour entrer en possession. Et vous avez refusé ? Oui, malgré que cet homme fût allé jusqu'à m'offrir 100 000 $. Parfait. Vous comptiez vivre jusque-là, car vos ressources sont modestes. Elles me suffisent, monsieur. Il paraît que non, puisque pour les accroître, en attendant l'héritage Brown, vous n'avez pas hésité à assassiner lâchement votre ami. Je suis innocente. Les juges apprécieront. 8 jours avant les débats, Charlotte fut avertie qu'elle avait été pourvue d'office d'un avocat. Celui-ci vint la voir le jour même. C'était un homme d'une 40aine d'années à l'aspect sévère et triste. Il se nommait Elias Haworth. En vérité, c'était un singulier avocat. Après que Charlotte lui eut affirmé son innocence, il hocha la tête et s'écria « C'est peut-être vrai, Miss, mais si invraisemblable. Pour moi, je vous conseille d'avouer et de manifester un sincère repentir. « Mais je suis innocente, maître !» répondit la jeune fille indignée. « Possible. Ce que je vous en dis, moi, c'est dans votre intérêt. Si vous vous repentez, je me charge de vous en tirer avec 15 ou 20 ans au plus, car vous risquez la mort. Songez-y, miss. » « Cela m'est égal. D'abord, puisque vous me croyez coupable, je vous prie de me laisser en paix. Je me défendrai seul. Vous pouvez sortir, monsieur. » Elias Haworth eut beau insister, il ne tira rien d'autre de l'infortuné, bien qu'il revînt chaque jour à la charge. Le jour du procès arriva enfin. William Hobbs avait tenu à y assister. Aussi, 1 heure après le départ d'Arnold Limerick, avait-il pris le train pour la Nouvelle-Orléans. Lorsqu'à 9 heures du matin, les jurés pénétrèrent dans la grande salle du palais de justice de la Nouvelle-Orléans, William Hobbs, vêtu d'une robe d'avocat, était déjà installé dans un coin, décidé à ne rien perdre du spectacle. Après que les jurés se furent assis, le président de la cour donna l'ordre d'amener l'accusé. Depuis 3 mois qu'elle languissait en prison, Charlotte Gladden s'était transformée. Maintenant, ses yeux creusés par les larmes rappelaient seuls sa merveilleuse beauté. Ses lèvres pâles, son teint d'une blancheur crayeuse ainsi que le cerne entourant ses yeux, disaient éloquemment les souffrances endurées par l'infortunée jeune fille. Elle parut, vêtue de noir, regardant droit devant elle, et s'assit dans le box réservé aux accusés. Un murmure sympathique courut dans la salle. Les débats commencèrent aussitôt. Après l'interrogatoire d'identité, le juge résuma les charges pesant sur l'accusé. En vain, Charlotte se défendit-elle, elle-même avec l'ardeur et l'éloquence que donne une juste cause. Elle ne put convaincre les jurés, d'autant plus qu'ils furent connus que le solliciteur Thomas Luke, dont elle invoquait le témoignage, était inconnu à la Nouvelle-Orléans. La bonne de Charlotte Gladden affirma, de plus, n'avoir jamais vu ce personnage, ce qui était vrai puisqu'il était venu chaque fois pendant qu'elle était en course, ainsi que le fit remarquer Charlotte au président. Le réquisitoire du juge, qui en Amérique fait fonction d'avocat général, fut bref et serré. Tout confondait l'accusé dont il flétrit le cynisme. Une condamnation sévère s'imposait, il la demanda au juré. Elias Haworth tenta d'obtenir la pitié pour sa cliente en invoquant l'âge de Charlotte. Sa défense fut faible et maladroite. Charlotte Gladden, convaincue d'assassinat avec préméditation et de vol sans circonstances atténuantes, fut condamnée à mort. En entendant le terrible arrêt, Charlotte pâlit un peu plus, mais ne broncha pas. Que lui importait la vie ? Flétrie, repoussée de tous, abandonnée même de son fiancé dont elle n'avait plus de nouvelles depuis son arrestation. Il n'avait même pas répondu à la lettre qu'elle lui avait envoyée pour lui demander conseil au sujet de Luke Thomas. La mort lui apparaissait comme une délivrance. « Vous n'avez rien à ajouter ?» questionna le juge. « Rien. Garde, reconduisez la condamnée. » Dans un coin, William Hobbs, les lèvres crispées d'un sourire satanique, exultait. À lui seul, les millions de Graham Brown. Il quitta sa robe d'avocat et l'âme en joie sortit du palais de justice. Il était 1 heure de l'après-midi. William Hope se dirigea vers un restaurant. Dans la rue, on criait le South Sun. Il en acheta un et apprit ainsi l'assassinat de Samuel Strong et l'arrestation consécutive d'Arnold Limerick. Alors, sa joie ne connut plus de bornes. Ainsi, ses plans avaient abouti. Plus personne maintenant pour lui disputer l'héritage. William Hobbs entra dans un restaurant et se fit servir un excellent dîner. Le magistrat eut certainement perdu son appétit, s'il avait pu voir ce qui se passait au même moment, dans la prison où Charlotte Gladden avait été conduite après sa condamnation. Après l'avoir introduite dans sa cellule, Le gardien jetait un rapide regard dans le couloir et disait d'une voix rapide et presque imperceptible « Courage, miss. M. Mark Brooks me charge de vous dire que vous serez libre et réhabilité avant 8 jours. Il tient l'assassin. Chut !» Et le geôlier, sans attendre de réponse, ferma la porte à grand bruit et s'en alla en faisant tinter ses clés. Le même jour, à 6h22 du soir, William Hobbs, heureux et satisfait, quittait la Nouvelle-Orléans pour Washington. Un cigare en bouche, les bras appuyés aux accoudoirs de velours du fauteuil où il était affalé, l'attorney général regardait défiler à travers la vitre du Pullman Car les riches campagnes de la Louisiane. Le soir venait, sur le fond rouge du ciel, les feuilles tourmentées des cocotiers et les tiges droites comme un nid des palmiers se détachaient nettement. William Hobbs avait l'âme poétique. Il soupira, huma voluptueusement le parfum de son cigare et murmura « Quel beau pays ! Ce coucher de soleil est admirable. N'est-ce pas ? C'est vraiment merveilleux !» Hobbs détourna la tête. Pendant qu'il s'absorbait au spectacle du soleil couchant, 3 hommes étaient venus s'installer dans son compartiment sans qu'il les vît ni ne les entendît. L'un d'eux avait répondu à l'exclamation de l'attorney. William Hobbs se crut obligé d'ajouter « Oui, la Louisiane est privilégiée sous le rapport du climat. » L'attorney avait prononcé cette phrase d'un ton dédaigneux et détaché, afin de faire comprendre à ses interlocuteurs qu'il ne tenait pas à lier conversation. En genre de tact, ils se turent. L'un d'eux tira un journal de sa poche et ses 2 compagnons allumèrent un cigare. À la dérobée, William Hobbs, par une vieille habitude de juge, les examina. Ils paraissaient appartenir au meilleur monde. Vêtements à la dernière mode, une coupe sobre et élégante à la fois, mais soignée. Leur visage, légèrement bronzé, semblait indiquer qu'ils vivaient au grand air. De riches planteurs, sans doute, pensa Hobbs. Et sans plus s'en inquiéter, il reprit sa contemplation à travers la vitre. Lancé à 80 000 à l'heure, le train, après avoir dépassé Bâton Rouge, quittait la Louisiane et filait à travers les immenses plaines de l'État de Mississippi. Après avoir dîné dans le wagon-restaurant, Hobbs avait regagné son fauteuil et vers 11 heures, il résolut d'aller se coucher. À ce moment, le train venait de dépasser la ville de Canton et ralentissait par mesure de prudence pour franchir le pont branlant qui enjambe la Big Black River. Hobbs, occupé à plier son pardessus avant de se lever, n'entendit pas un de ses compagnons murmurer « Nous y sommes ». Mais il le vit presque aussitôt se lever, empoigner le signal d'alarme et le tira avec vigueur. « Que faites-vous là ?» voulait dire Hobbs. Sans lui répondre, un des 2 autres bondit sur lui et lui en serra la gorge dans ses 2 mains nerveuses, tandis que le 3e l'entourait prestement d'une longue lanière de cuir. Avant d'avoir songé à se défendre, Hobbs était réduit à l'état de saucisson soigneusement ficelé. D'un sac de voyage grand ouvert, un des agresseurs tirait promptement une sorte de cagoule noire, faite de cuir doublé d'une épaisse couche d'ouate, et en coiffée du crâne aux épaules, la tournait à demi étranglée. Cependant, le convoi s'arrêtait dans la nuit. Le chef de train, un fanal à la main, arrivait en courant vers le wagon. Au moment où il l'atteignait, l'homme qui avait tiré la sonnette d'alarme lui lança une poignée de poivre dans les yeux et d'un coup de pied éteignit sa lanterne. Puis il remonta dans le wagon qu'il traversa en coup de vent et rejoignit ses compagnons qui, portant sur leurs épaules William Hobbs semblable à un ballot, étaient déjà descendus du train et s'enfuyaient à travers les hautes herbes. Aveuglé par le poivre qui lui brûlait les yeux, le malheureux chef de train était tombé sur le sol auprès de sa lanterne éteinte.